arriver. La la la la. Good afternoon, Toronto. Listen to Soupcation here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore. I got a great show lined up for you today, so stay tuned. Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et c'est ma première émission de retour depuis, en direct, c'est ma première émission en direct depuis 4 semaines. Ça fait, j'ai fait des petites vacances de quelques semaines, de 3 semaines. Alors, mais on a quand même pu faire des émissions pré-enregistrées. J'espère que vous avez bien aimé ça. Alors, c'est ça, on retour en direct. On commence l'émission avec du Jeune Seigneur, de leur album dernier de Brest. La chanson Asphalt, et on va continuer avec notre chanson par les esclaves salariés, cette fois-ci tirée de leur album Sagurement, la chanson Ancrée dans la peau. Alors voici les esclaves salariés ici à Sous Pression.

Salut, vous écoutez toujours Sous pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Alors, on a commencé le dernier bloc avec une chanson des esclaves salariés, la chanson ancrée dans la peau de leur album Ça augure mal, sorti sur Fire and Flames il y a plusieurs années. Bolshoï, après ça, la chanson Chaos, de leur album éponyme, la chanson Chaos, bien sûr une reprise de la chanson des Foreskin, je crois. L'album de Bolshoï éponyme, dont cette chanson-là provient, est disponible en ligne à partir de leur site web. En tout cas, il était disponible en ligne à partir du site web de Bolshoï il y a quelques années. C'est un petit bout de temps que j'ai vérifié, mais c'est toujours là. Faites une recherche sur l'Internet, vous pouvez trouver ça, vous pouvez le télécharger gratuitement, c'est un excellent album. Et après ça, c'était La Gâchette avec Réclamation, de leur plus récent album À travers le temps. La Gâchette qui a fait une petite visite dans l'Ontario du Sud au mois d'avril à Hamilton dans le cadre du Rebel Fest. Et on a fait pu faire une entrevue avec eux. Super bon groupe et super bon album. En parlant de nouvel album, je vais jouer une chanson du nouvel album de Saccage, l'album Death Crust Satanique, le cinquième morceau tiré de cet album-là, la Derap Squad. Alors, c'est ça que je vais jouer ici, du Saccage à sous pression. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto et les CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Défaillance avec la chanson Oh et c'est pas raciste de leur album Mort Vivant. Du Dipsomanie avant ça avec Politic Business. Avant ça, c'était du Feu de Pineux, la chanson La Couleuvre tirée de leur démo sortie en 2010. Le Kraken avant ça avec Transfuge de l'album Exalt. Et je crois que le Kraken, mais d'après l'Internet, devrait sortir, je pense, un nouvel album ou quelque chose quelques temps cette année. Et on a commencé le dernier bloc avec du Saccage, la chanson des Rap Squad de leur plus récent album Death Crust Satanic. Vous pouvez écouter leur album ou au moins des extraits à partir de leur site Bandcamp de Saccage. Je crois que c'est saccage.bandcamp.com. Alors c'est ça, on est rendu en mi-chemin de l'émission, comme d'habitude, comme à chaque semaine. Je vous rappelle à cet instant-ci que l'émission Sous Pression a un site web, c'est le souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, on les met sur le site web à chaque semaine, en format podcast. Alors vous pouvez l'écouter à partir du site web si vous manquez l'émission une semaine, vous voulez la réécouter, ou si vous voulez la télécharger et la mettre sur votre lecteur MP3, faire ce que vous voulez avec. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Vous pouvez aimer l'émission et vous tenir à jour avec ce qui se passe avec l'émission et aussi avoir quelques nouvelles du monde du punk ska et du hardcore francophone. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires que vous voulez faire, vous pouvez nous envoyer un courriel. C'est souspression@chry.fm. souspression@chry.fm. Si vous avez des demandes, des commentaires, ou si vous faites partie d'un groupe et vous voulez partager votre musique, vous pouvez faire ça aussi. Alors, c'est ça, on va continuer la musique. On va continuer avec une autre chanson par un groupe que je pense que c'est la première fois que j'ai fait jouer ici en Onde. C'est Les Dealers. De leur album Mangeur d'images, la chanson Tout se ferait qu'à côté, alors ça sera quelque chose un peu plus côté reggae, un peu ska, quelque chose un peu plus relax à comparer au dernier bloc. Alors voici Les Dealers à Sous Pression. Oh, Salut, avant de continuer avec ta prochaine chanson, je veux juste fournir un peu de contexte pour la prochaine chanson, les deux prochaines chansons que je vais faire jouer. La prochaine chanson que je vais faire jouer s'appelle, c'est par un groupe qui s'appelle Submission Hold. La chanson s'appelle Quality of Growth. La raison pour laquelle je vais la faire jouer, c'est parce que la chanson, c'est une chanson bilingue en anglais et en français. Et parce que Sous Pression, c'est une émission de punk francophone et on fait juste pas mal seulement jouer des chansons par des groupes francophones, c'est-à-dire des groupes dont leur langue maternelle c'est le français, mais il y a aussi des groupes dont leur langue maternelle n'est pas le français qui font parfois des chansons en français. Je vais faire jouer Submission Hold, c'est un exemple de ça. C'est un groupe canadien de Vancouver qui n'existe plus. Ça fait peut-être 5-6 ans qu'il n'existe plus. Mais en 2000 ou en 99, ils ont sorti l'album Waiting for Another Monkey to Throw the First Brick avec cette chanson-là, Quality of Growth, une chanson en anglais et en français. Et quand j'ai eu la chance de les voir à Ottawa en 2000, la chanteuse Jen a expliqué la chanson. Elle a dit que la diversité linguistique, c'est une valeur importante. Je suis d'accord avec elle. C'est quelque chose de très important. Elle avait donné comme exemple que quand les Européens étaient arrivés en Amérique, il y avait plusieurs centaines, sinon peut-être des milliers de langues indigènes, autochtones. Mais ces jours-ci, il y en a beaucoup moins, peut-être quelques centaines, peut-être. Ou quelques douzaines. Il y en a certainement beaucoup moins. Et c'est pour cette raison-là qu'elle avait choisi, en tant qu'anglophone, de choisir de chanter en français pour promouvoir et respecter la diversité linguistique. Alors, je la respecte pour ça. Je vais faire jouer cette chanson-là. C'est la chanson Quality of Growth en anglais et en français. Chanson un peu longue, puis le style, c'est comme du anarcho-punk, un peu. Avec des instruments comme une flûte traversière, tout ça dedans, en tout cas. C'est quelque chose d'assez unique. Ensuite, je vais faire jouer la chanson Petit Drapeau par Los Fastidios, de leur album Siempre Contra, le groupe italien. Alors, c'est ça, je continue avec du Submission Hold, quelque chose d'un peu différent. Ici, Sous Pression, avec la chanson Quality of Growth. Alors, c'était Submission Hold of Equality of Growth, ici à Sous Pression. Le temps pour faire jouer une dernière chanson. Je vais vous faire jouer Petit Drapeau par Los Fastidios de leur album Siempre Contra. Passez une excellente semaine. N'oubliez pas que vous pouvez écouter l'émission à partir du site web souspression.wordpress.com. Alors, voici du Los Fastidios, ici à Sous Pression. Aujourd'hui, je t'ai revu dans notre vieille place en ville. Sans louer, mais tu n'as pas encore compris qu'avec toi je ne vais plus parler. Combien de temps déjà passé? Quand toi